What a night, what a night va me tuer. Un jour les groupes ils vont finir par me huer. Je te trompe, je te retrompe, je te fais suer. Mais tu fais la sourde donc je fais le muet. Sous la douche tes pleurs sont cachés par la buée. Je suis le dernier des salauds, je me dis que j'ai abusé. Y'a pas de raison, j'ai fini par m'ennuyer. J'ai sali ton honneur, je pourrais jamais l'essuyer. Je veux te quitter mais je ne peux pas te quitter. T'es mon équilibre, la seule qui peut me guider. Tu veux me quitter mais tu ne peux pas me quitter. Je suis ton équilibre, le seul qui peut te guider. J'ai préféré te mentir pour nous protéger. Et tu acceptes mes mensonges pour te protéger. Je sais que tu m'en veux, je m'en veux aussi. On en parlera demain, on est dans le déni. J'ai préféré te mentir pour nous protéger. Et tu acceptes mes mensonges pour te protéger. Je sais que tu m'en veux, je m'en veux aussi. On en parlera demain, on est dans le déni. On est dans le déni. On est dans le déni. On est dans le déni. L'amour rend aveugle, donc tu te vois la face. Tu nageais dans le bonheur, aujourd'hui tu bois la tasse. T'aimes pas les histoires, c'est pour ça que tu te tais. Un jour tout se paie, ouais, un jour tout se sait. Je veux te le dire, y'a que pour toi que j'ai des sentiments. Les autres je les vois et elles repartent toutes gentiment. Peut-être qu'on serait mieux si on prenait nos distances. Mais le silence est la meilleure des défenses. Je veux te quitter mais je ne peux pas te quitter. T'es mon équilibre, la seule qui peut me guider. Tu veux me quitter mais tu ne peux pas me quitter. Je suis ton équilibre, le seul qui peut te guider. J'ai préféré te mentir pour nous protéger. Et tu acceptes mes mensonges pour te protéger. Je sais que tu m'en veux, je m'en veux aussi. On en parlera demain, on est dans le déni. J'ai préféré te mentir pour nous protéger. Et tu acceptes mes mensonges pour te protéger. Je sais que tu m'en veux, je m'en veux aussi. On en parlera demain, on est dans le déni. On est dans le déni. On est dans le déni. On est dans le déni. On est dans le déni. J'suis méchant, injuste et égoïste. Avec tous mes caprices, c'est toi que je pénalise. J'aimerais tout te dire, mais je suis pétrifié. Donc je préfère le mensonge à la vérité. J'suis méchant, injuste et égoïste. Avec tous mes caprices, c'est toi que je pénalise. J'aimerais tout te dire, mais je suis pétrifié. Je préfère le mensonge à la vérité. J'ai préféré te mentir pour nous protéger. Et tu acceptes mes mensonges pour te protéger. Je sais que tu m'en veux, je m'en veux aussi. On en parlera demain, on est dans le déni. J'ai préféré te mentir pour nous protéger. Et tu acceptes mes mensonges pour te protéger. Je sais que tu m'en veux, je m'en veux aussi. On en parlera demain, on est dans le déni. Pour nous protéger, pour te protéger, je m'en veux aussi. On est dans le déni.